C'était à la une. Le Petit Journal, mardi 7 novembre 1871. Une visite à Courbet. Un artiste de Dijon, qui est un des amis du maître d'Ornans, a obtenu lundi la faveur de le visiter. Et c'est à son obligeance que nous devons les détails suivants, d'une exactitude parfaite. Depuis 3 jours seulement, Courbet est en possession de ses pinceaux, de sa palette et de ses couleurs. Il avait demandé au général Valentin l'autorisation de faire une vue de Paris, à vol d'oiseau, des combles de Sainte-Pélagie. « J'aurais peint cela, disait-il à son ami, dans le genre de mes marines, avec un ciel d'une profondeur immense. Paris, avec ses monuments, ses maisons, ses dômes, simulant les vagues tumultueuses de l'océan. Malheureusement, l'autorisation m'a été refusée, sous prétexte que je n'étais pas ici pour m'amuser. » Et il ajoutait « Le local que j'occupe est trop peu spacieux pour me permettre de travailler de souvenirs, moi qui ne suis qu'un copiste plus ou moins exact de la nature, quand elle veut bien se montrer à moi sous ses aspects différents. » Le fait est que, si Courbet est un méchant politique, il n'en est pas moins un des peintres les plus remarquables de ce temps. Et le préfet de police a peut-être tort de nous priver d'une toile qui aurait au moins le mérite de l'originalité. S'il ne le fait pas par intérêt pour l'artiste, il pourrait du moins se départir de sa rigueur en faveur du prochain salon. Puis, comme le peintre n'a garde d'oublier ses idées artistiques, « Je ne puis cependant pas, continua-t-il, faire une étude quelconque représentant le sacrifice d'Abraham ou le songe de Jacob, puisque je ne les ai jamais vus. » La prison à Beaufort, Courbet est toujours dans les plus mauvais termes avec l'idéal. « En revanche, dit-il, et comme compensation, on m'a proposé de me livrer à la confection des chaussons de lisière. Cela est bien aussi du réalisme, mais malgré la confiance que l'on prétend que j'ai dans mon talent, j'ai cru devoir décliner cette proposition militaire. » Du régime matériel de la prison, Courbet ne se trouve pas mal. Il a le bon sens de ne pas se plaindre. « Je n'ai rien à dire, » fit-il en terminant. « Je n'en suis pas affecté puisque je commence à reprendre mon embonpoint. Seulement, chaque jour, à 4h30 du soir, j'éprouve le désagrément d'entendre glisser les verrous de ma cellule. Et cela me produit une impression désagréable. » Parbleu, mais aussi qu'allait-il donc faire dans cette galère de la commune ?